الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، vous savez maintenant que l'association Mineur Ashirk al-Asghar fait partie des grands péchés, et c'est certes un chemin et un sentier et une voie vers l'association majeure Ashirk al-Akbar. Ainsi, si celui qui commet l'association Mineur, c'est-à-dire qu'il place au même niveau qu'Allah tabaraka wa ta'ala quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre, alors qu'Allah jalla wa ala est lui le capable de faire le bien et faire le mal, et c'est lui qui est capable de la guérison et de la maladie, et c'est lui qui a la capacité sur la mort et la vie, et qu'il peut changer des choses sur terre, et qu'il se présente et qu'il s'absente, si celui qui commet l'association mineure pense de cette façon, il commet alors de l'association majeure. Et par-delà, il devient mécréant, wal'ayadu billah, et sort de la communauté de l'unicité, al-tawhid et de l'islam. Parmi l'association mineure, al-shirk al-asghar, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, le fait de penser qu'il pleut à cause des étoiles et des planètes. Al-imam al-Bukhari et l'imam muslim nous rapportent un hadith selon Zayd ibn Khalid, radiyallahu anhu. Il nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, guida la prière du Fajr de l'aube al-Hudaybiyah sur les traces de pluie de la nuit. Lorsqu'il partit, il alla vers les gens et il leur dit, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Et alors les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum répondirent, Allah et son messager sont plus savants. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, il dit, il a dit, c'est-à-dire Allah Jalla wa Ala nous dit, dans un hadith divin, un hadith Qudsi, il dit, Tabaraka wa Ta'ala, des serviteurs sont devenus croyants en moi et d'autres mécréants. Quant à celui qui a dit, nous avons reçu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, celui-ci est croyant en moi et mécréant aux planètes et aux étoiles. Et quant à celui qui a dit, nous avons reçu de la pluie grâce à telle étoile, celui-ci est mécréant en moi et croyant aux planètes et aux étoiles. Ainsi, le fait de penser qu'il pleut grâce à quelqu'un d'autre qu'Allah Jalla wa Ala rentre dans l'association mineure Ashirk al-Asghar. Et cela va de même pour tous les autres bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala nous a accordés. Comme ce que beaucoup de langues prononcent, nous entendons souvent dire les gens, si ce n'était pas grâce à un tel, j'aurais péri. Si ce n'était pas grâce à un tel, je ne serais pas sauvé. Si ce n'était pas grâce à un tel, j'aurais eu ceci et cela. Tout ceci rentre dans l'association mineure Ashirk al-Asghar. Mais il faut dire à la place de cela, si ce n'était pas grâce à Allah, thum, puis à un tel. Si ce n'était pas grâce au bienfait d'Allah, puis à un tel. Car un tel, cette personne-là n'est qu'une cause placé par le Seigneur des Seigneurs Rabbul Arbab et par l'auteur de toutes les causes Musabbibul Asbab Subhanahu wa ta'ala. De même, le fait de dire je place ma confiance en Allah et en toi, ceci n'est pas autorisé, mais dis plutôt je place ma confiance en Allah uniquement. Ainsi, ne dis pas je place ma confiance en Allah et en toi, et d'autres disent également si Allah le veut et si toi tu le veux. Al-Imam al-Nasa'i nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Ibn Abbas et radiallahu anhumah, un homme un jour dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, si Allah le veut et si toi tu le veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, m'as-tu placé équivalent à Allah? Mais dis plutôt si Allah le veut uniquement. Donc parmi l'association mineure Ashirk al-Asghar, toutes ces paroles associatrices qui se doivent d'être retirées de nos langues et dont nos langues se doivent d'être purifiées. De plus, ce qui rentre dans l'association mineure Ashirk al-Asghar, l'association de la bénédiction at-tabarruk, c'est-à-dire de prendre de la bénédiction de choses. Le fait de penser que l'on peut être béni d'une chose alors qu'aucun texte et qu'aucun récit n'a relaté cela. Comme le fait de penser d'être béni par Al-Kaaba en la touchant, ou en s'essuyant avec les pierres de Al-Kaaba, ou penser que la bénédiction Al-Baraka se trouve sur cette Kaaba, ou bien penser que la bénédiction se trouve sur le tissu de Al-Kaaba, ou bien des habits, ou penser être béni par les piliers des mosquées. Tout cela rentre dans le tabarruk. Naam. Également, lorsque la personne espère la bénédiction de la part des pieux al-muttaqoun et des rapprochés al-awliya, ou bien ils s'essuient avec leurs habits et ils espèrent la baraka à partir de cela. Ceci est une association mineure qui est interdite et non autorisée, car cela n'est autorisé qu'avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car il aura été particularisé et spécifié par rapport aux autres gens. Et il n'est donc autorisé de penser être béni par une chose qu'en ayant la preuve que cette chose apporte la bénédiction. Je répète, il n'est autorisé de penser obtenir une bénédiction à partir d'une chose qu'en ayant la preuve que cette chose apporte la bénédiction. Comme par exemple, chercher la bénédiction à partir de l'eau zamzam, ou bien le fait de réciter le Coran, ou bien dans les invocations du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il y a eu des textes qui sont venus nous informer qu'il y avait la bénédiction dans cela. Et nous voudrions vous avertir d'une chose, le moyen le plus rapide de tomber dans l'association majeure à Shirkul Akbar, c'est l'association dans la bénédiction à Tabarruk. Al-Imam Al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Waqid ibn Laythi radiallahu anhu, il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn, alors que nous étions récemment sortis de la mécréance. C'est-à-dire que nous étions des musulmans récents. Et ça ne fait pas très longtemps que nous sommes entrés dans l'islam. Il nous dit, radiallahu anhu, et les associateurs al-mushrikoun possédaient un arbre vers lequel ils se plaçaient à ses côtés. Et ils accrochaient leurs armes sur les branches de cet arbre. Et cet arbre était appelé Zatu Anwat. C'est-à-dire que c'est un arbre dont ils prenaient la bénédiction et ils pensaient que lorsqu'ils allaient accrocher ces armes, ils allaient gagner lors des batailles et lors des guerres. Et alors il dit, radiallahu anhu, nous sommes ensuite passés par un autre arbre. Et alors nous dit, ya Rasulallah, pourrais-tu nous faire un arbre d'atu anwat comme eux, ils ont un arbre d'atu anwat? Et alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, Allahu Akbar, telles sont les traditions d'Allah. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Par celui qui détient mon âme dans sa main. Certes, vous avez dit, comme ont dit les fils de Israël à Moussa, اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Certes, vous avez dit, comme ont dit les fils de Israël à Moussa, désigne-nous une divinité, comme eux, ils ont une divinité. Et alors il leur dit, vous êtes certes des gens ignorants. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, vous suivrez le sentier de ceux qui vous ont précédé. Ainsi, il n'est pas autorisé de demander la bénédiction al-baraka de quoi que ce soit, sauf si un récit ou un texte authentique en a prouvé son autorisation. Et sinon, cela fait partie de l'association mineure al-Shirkul Asrar. Tout ce que nous avons cité, ayol yaqwatul kiram, fait partie de l'association mineure al-Shirkul Asrar. Il est obligatoire d'éviter ces actions et il est indispensable de se préserver de ces actes et de ces paroles. Et il est obligatoire également d'enseigner et d'éduquer nos enfants, d'éviter ces actions d'association. Tout cela, ayyuhal ikhwa, rentre dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la langue et les propos de Luqman, rahimahullahu ta'ala, à son fils. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô toi mon fils, ne donne point d'associer à Allah, car certes l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. Et il nous reste, ayyuhal ikhwa, la parole sur la troisième catégorie, ou bien la deuxième partie de la deuxième catégorie de l'association à Shirk, ala wa huwa Shirk al-Khafi, telle est l'association cachée. Dans deux semaines, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala, si Allah jalla wa ala nous prête vie et rencontre, innahu aliyu dhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir, as'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il nous préserve de toutes sortes d'associations, qu'il nous enrichit en science et qu'il nous dirige vers le bon chemin et la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et qu'il nous fasse mourir dans la croyance ferme al-iman et dans l'unicité pure al-tawhid. Innahu waliyudhalika wa mawlah. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser de par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à son prophète, ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille, et tout ce qui suit son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.